Le président syrien a fait parvenir le 17 Coran un message de réponse au maréchal Kim Jong-un. Le destinataire a exprimé ses vives reconnaissances au maréchal Kim Jong-un et au gouvernement coréen qui lui ont formulé les félicitations à l'occasion du 46e anniversaire du mouvement glorieux de rectification en Syrie. Il lui a souhaité santé et bonheur, ainsi que plus grand progrès et prospérité au peuple coréen.